Jean-Michel Dian, préfacé par Edgar Morin, nous propose le portrait brillant d'un géant du 19e siècle, injustement tombé dans l'oubli, auteur d'une célèbre et scandaleuse Vie de Jésus, ardent défenseur de la science et sur le tard de la République. En choisissant à 20 ans de s'illustrer dans les sciences plutôt que dans la foi, Ernest Renan, ancien séminariste de Saint-Sulpice, réussit le tour de force de faire de son premier ouvrage « Vie de Jésus » en 1863 un succès sans précédent. Non seulement du haut de sa chaire de philologie au Collège de France, il désacralise le Christ en osant le qualifier d'homme incomparable, mais il réfute à l'aide de preuves concrètes l'existence des miracles. Agrégé de philosophie, il prépare les esprits aux vertus de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, et en sa qualité d'académicien, à l'idée noble de nation, en prononçant en Sorbonne un discours cardinal qui servira de socle à la SDN en 1919. Pourtant, si Léon Daudet ou Anatole France dirent de ce Breton de Tréguier qu'il fut un véritable dieu de son vivant, et si des centaines de rues, de lycées, de collèges portent son nom, Ernest Renan est aujourd'hui tombé dans l'oubli. D'une plume vigoureuse et subtile, autant qu'instructive, Jean-Michel Dian tente de comprendre les raisons de cette injustice tout en révélant combien l'influence intellectuelle de cet authentique savant a pesé sur le destin de la République. Ernest Renan, le géant oublié de Jean-Michel Dian est paru au Cherche-Midi.